Chapitre 16e. Bonjour, madame. Où est Marcel ? Demanda l'ingénieur en entrant dans la salle à manger où madame Brun se tenait d'habitude, assise auprès de la fenêtre, devant une corbeille pleine de chaussettes où elle puisait le travail indispensable à ses doigts toujours affairés. Mais madame Brun n'était pas à sa place, et la corbeille était renversée par terre avec son contenu éparpillé dans toutes les directions. Debout près de la table, elle fouillait fiévreusement dans les poches d'une redingote appartenant à son époux, et elle en jetait le contenu varié devant elle sans le moindre respect. Les papiers seuls attiraient son attention. Elle les saisissait avec des mains tremblantes, qui semblaient vouloir les égratigner, et les repoussait aussitôt avec un indescriptible dédain. À l'entrée de Juste, elle leva la tête et le regarda fixement. « Marcel, votre ami, il est à Paris » proféra-t-elle d'un air indigné. « Oui, à Paris, cela vous étonne ? Il court après les drôlesses. » « Madame !» s'écria André blessé au vif, même avant de savoir si madame Brun s'en rendait compte de ce qu'elle disait. « Oui, des drôlesses. Et il leur fait des vers. Tenez, des vers, s'il a Dieu permis. Est-ce qu'il m'en fait, à moi, des vers ? Mais sa femme, à quoi bon ? Tandis que pour une actrice, une péronnelle, madame !» répéta André d'un ton irrité. Mais l'irascible épouse n'y prit pas garde. « Oui, il fait des vers. Les voilà, tenez, lisez-les. » Il se figure que ça veut dire quelque chose. Il enfile les mots comme des perles, voilà tout. Jour de Dieu, si je le tenais. Mais il n'y perdra rien. Je vais le rattraper. Il faudrait bien qu'il me dise. Juste n'écoutait plus. Stupéfait, il lisait. Puisqu'un sourd jaloux nous sépare. Où avez-vous trouvé cela ? Demanda-t-il enfin quand il eut terminé. Dans sa poche, monsieur, dans sa propre poche. Ils sont signés, ils sont datés. La semaine dernière, tenez, un sort jaloux les sépare. Il n'est pas encore si jaloux que moi, le sort qui les sépare, et c'est moi qui me charge de les séparer. Mais enfin, suggéra André de plus en plus perplexe, comment savez-vous que ces vers sont adressés à Rose ? Tenez, voyez sur l'enveloppe, à Rose Rosier, et elle se faisait passer pour morte, quelle impudence ! Juste resta silencieux et atterré. Si Marcel faisait des vers à Rose, c'est qu'il allait à Paris pour son propre compte. Et alors, quel étrange messager d'amour il faisait pour André. Une seconde réflexion rappela au jeune ingénieur la passion platonique et poétique que Brun ne lui avait jamais cachée, et une véhémente envie de rire remplaça la colère qui commençait à lui monter au cerveau. « Se faire passer pour morte !» continuait madame Brun, qui ne fouillait plus, car elle avait retourné toutes les poches, et ses mains lacées reposaient sur le vêtement de son infidèle époux. « Il n'y a qu'une actrice capable d'une pareille invention. Des chrétiens auraient peur de se porter malheur, mais ces gens-là ne craignent ni Dieu ni diable. »« Voyons, madame, » dit doucement André, « vous n'êtes pas de votre siècle. Il y a 100 ans qu'on ne dit plus ces choses-là. »« Qu'est-ce que ça me fait à moi ?» répondit superbement l'épouse outragée. « Est-ce que c'est permis de se faire passer pour mort quand on ne l'est pas ? Il devrait y avoir des lois pour défendre ça. » Et si le gouvernement faisait son devoir ? » Elle s'assit sur sa chaise et se mit à pleurer. André ne savait que dire. Un moment, il eut envie de se déclarer l'auteur des vers malencontreux, mais la crainte de l'éloquence trop connue de sa respectable amie l'arrêta court. Touchartre saurait ce qu'il voulait cacher, et cacha jamais si Marcel lui rapportait une réponse défavorable. Il garda le silence. Madame Brun ne se laissait jamais abattre pour longtemps. Elle regarda l'ingénieur et lui dit tout à coup « Vous le saviez ?»« Qu'est-ce que je savais, chère madame ? Que Rose Rosier n'était pas morte. J'en conviens, » fit-il en s'inclinant comme un coupable. « Et vous protégez les coupables amours de mon mari ? Je vous jure que j'ignorais absolument. » Madame Brun secoua la tête d'un air désespéré. « Oh, nous savons que les hommes s'entendent entre eux pour tromper les femmes. Et je suis bien sotte de vous demander de me dire la vérité. Je vais partir pour Paris, et là je saurai bientôt ce que je veux savoir. » « Où demeure-t-elle, cette personne ?»« Je n'en sais rien, » dit André avec un aplomb magnifique. « Et Marcel, où est-il descendu »« Puis-je le savoir ?» dit l'ingénieur d'un air innocent, « puisque j'ignorais même son absence. »« Allons !» fit madame Brun avec rage. « Il est dit que je ne saurais rien. Je ne peux pourtant pas aller dans toutes les maisons de Paris pour demander si l'on y a vu. Le mieux, en effet, serait d'attendre son retour, » suggéra timidement André. Madame Brun le foudroya du regard. « C'est ce que je vais faire, monsieur, » dit-elle avec dignité. « Mais soyez tranquille, il ne perdra rien pour attendre. » Sur ce point, André n'avait pas besoin d'être convaincu. Il poussa un soupir en pensant que si Marcel lui rapportait la nouvelle d'un échec, ils auraient tous les deux quelque peine à échapper à la vengeance de Madame Brun. Mais c'était bien peu de chose auprès de ses propres perplexités. Il eut cependant pitié de la pauvre femme dont le chagrin était réel, et il s'évertua à lui prouver qu'elle s'inquiétait à tort. Il parvint sinon à la persuader, au moins à l'ébranler. Ce qui fut plus difficile, ce fut de l'empêcher d'aller conter ses peines à Madame Langlois. Madame Brun ne concevait pas d'autre moyen de soulager son cœur oppressé. À force d'arguer, cependant, il obtint gain de cause et une promesse de silence absolue pendant 24 heures, ce qui, étant donné le caractère de la victime, indiquait un grand pas dans la voie des concessions.